Deuxième et fin, dernière partie de cette rencontre qui a eu lieu le 28 mars à la librairie Météor, au Pianoctel dans le quartier des Marolles à Bruxelles. C'était une rencontre sur le livre de Louisa Yousfi, Rester barbare, aux éditions La Fabrique. Il y avait également Ouria Bouteldja et Mouad Regif. Micro. Alors, ouvert. Le chapitre suivant s'appelle L'impossible communion des larmes et il commence par Le ciel nous vengera, qui est une expression très familière pour moi, que je fais mienne, qui est une expression. Quand on est dans notre position, je crois qu'on l'utilise souvent, le ciel nous vengera. Et dans ce chapitre, tu parles des attentats du 11 septembre 2001 et de ce que ça nous fait à nous. Alors, je vais lire un plus court passage ici. Et évidemment, il y a une cohérence dans ton livre, donc ça rejoint ce que tu as dit. D'abord, une remarque. Nous, on a eu un truc très spécial ici en Belgique parce que je ne sais plus dans quel ordre c'est arrivé, mais après les attentats, juste après que les attentats soient arrivés, il y a un homme politique qui a dit qu'on dansait, on faisait la fête à Molenbeek. Et puis, il y a le Premier ministre qui parlait à tout le monde. Il n'a pas dit tout le monde sauf les Arabes. Il a dit « Nous sommes tous des Américains ». Alors, tu ne sais pas où tu dois te mettre. Quoi. Le passage ici commence par un mot qui définit bien ça. « Tout était brouillé, impossible à clarifier. D'un côté, la puissance symbolique du gratte-ciel américain nous renvoyait aux millions de morts sur lesquels s'érigeait impunément cet édifice prométhéen, symbole ultime de la modernité conquérante, de l'impérialisme et du capitalisme tout-puissant. » Là, j'ajouterai juste une parenthèse, j'ajouterai aussi du patriarcat. Parce qu'une amie m'a dit que toutes ces tours-là, c'était des symboles très phallocratiques. Donc, du capitalisme tout-puissant. De l'autre, l'insoutenable image de ces corps innocents se jetant dans le vide pour échapper aux flammes ne pouvait décemment rencontrer l'idée que nous nous faisions de la justice. Dans cette confusion de sentiments, nous étions paumés, inquiets pour nous-mêmes. Se pouvait-il que l'injustice de ce monde nous ait abîmés au point de ne plus savoir pleurer devant un tel carnage? Notre propre conscience était prise au piège de l'Empire. Tu peux continuer sur la... On est tout le temps dedans, quoi, la confusion. Ça, c'est encore une autre barbarie. En fait, le ciel nous vengera, ça aussi, c'est une formule. Voilà, c'est comme tiré par Auschwitz. Le ciel nous vengera, alors c'est pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est une phrase qui est une phrase de mon père, qu'il a prononcée avant le 11 septembre, mais genre la veille. Je sais, ça paraît fou, on a l'impression que j'invente, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. La veille, il me dit ça. Alors, il ne lit pas en français, mais bon, voilà. Il dit ça devant le, parce qu'on regardait le JT et voilà, et comme de manière assez récurrente en fait, quand on regardait le JT, il était question des États-Unis et mon père, de manière spontanément, alors que mon père n'est pas du tout politisé, je veux dire, c'est un émigré ouvrier, enfin tout ce qu'il y a de plus traditionnel et classique, quoi, tu vois, me dit en fait, les Américains, c'est la pire chose, quoi. Qui existe, qui nous soit arrivé, quoi. Et alors, en l'occurrence, franchement, je ne sais plus de quoi il était question, mais je veux dire, si on prend n'importe... Enfin, il suffit de voir à quelle année c'était, donc je ne sais pas, guerre du Golfe, Irak... Il y avait forcément... Voilà, de toute façon, il y a toujours un truc. Les États-Unis et le Moyen-Orient, quoi. Et il dit, du coup, non, mais de toute façon, en gros, pour me rassurer, quoi, t'inquiète pas, le ciel nous vengera, quoi. Il y aura une justice, quoi, un jour. Et c'était bon, enfin, c'était bien de se le raconter. Et sauf que cette phrase, elle a pris une dimension différente lorsque le lendemain... 11 septembre 2001. Et de ce que le truc, c'était la prophétie s'est réalisée, quoi. Et alors, est-ce que c'est ça que nous voulions? Oui. Et en même temps, maintenant, regarde, il y a des gens qui sont morts. Ben, on a vu des trucs, c'était horrible. Je veux dire, on peut pas... Et voilà. Et donc là, il y a un détraquage. Il y a un truc qui se passe. Là, il y a quelque chose que le monde se rétracte dans un moment où on sait plus quoi penser. On ne sait plus ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de ressentir, ce qu'on est en train de devenir. C'est vraiment, est-ce que je suis en train de me réjouir de la mort de plusieurs milliers de... plusieurs centaines, milliers, je ne sais même plus. De civils, quoi. On étouffe de nouveau. Voilà. Et en même temps, je peux que reconnaître que bah, y avait quelque chose, cet événement est lié à cette phrase « Dieu nous vengera ». Je veux dire, il y a une forme quand même que, comme ça de résistance, en fait. Il y a quelque chose qui a répondu. Le monde a répondu. Et voilà. Et j'ai cherché à dire exactement ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que comme ce qui se passe dans ces moments-là, il y a une espèce de récit hégémonique qui, d'un coup, s'empresse de nous empêcher de penser, de dire « Attention !» La moindre ambivalence dans ce que vous allez ressentir à ce moment précis, c'est une complicité. Vous êtes des terroristes. Vous êtes le mal absolu. Et alors du coup, quand on vit dans ce climat, dans ce truc, parce que ça se respire avec l'air et tout, et qu'en plus, moi, en l'occurrence, je sais pas, j'avais 13 ans, j'étais au collège et tout, donc j'ai pas armé, quoi, pour ressentir. Je me dis, oula, en fait, ça tétanise et je m'empêche absolument de voir ce qui me traverse, en fait. Et je fais en sorte de l'ignorer, je fais en sorte de dire, voilà, non, c'est, enfin, il n'y a pas, j'essaie de ressentir ce qu'il faudrait ressentir. Et en même temps, je n'y arrive pas. Et donc, ça crée ce sentiment que peut-être il y a une duplicité en moi, et que peut-être qu'ils ont peut-être raison, en fait. Hein. Et bref, et tout ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est une explosion à l'intérieur de nous, en fait. C'est une explosion. Et en même temps, on sent que la responsabilité, notre sens de la responsabilité, c'est-à-dire notre sens de nos intérêts directs et concrets et objectifs, c'est de tout de suite de se désolidariser. Et c'est ce que beaucoup de musulmans ont fait. Et bien sûr que... Après coup, on se dit, mais il faut pas faire ça, le not in my name, etc. Mais en même temps, il faut le comprendre, je veux dire. Et aussi, tu le dis, d'ailleurs, il y avait aussi des musulmans parmi les morts. Oui, voilà, et c'est le truc, bien sûr, c'est souvent ce qu'on dit souvent pour dire que, mais attendez, vous voyez, on peut pas se réjouir de quelque chose qui nous a atteint aussi, parce que ça a atteint les nôtres. Et je dis que ça trahit, en fait, parce qu'on cherche à convaincre les Blancs à ce moment-là, parce qu'on sait que les Blancs, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que quand c'est eux, ils savent que ils ne pleurent que quand c'est les leurs qui sont touchés. Et alors du coup, pour les convaincre qu'on pleure sincèrement, on leur dit mais les nôtres aussi y étaient. Et là, c'est que comme ça qu'on se dit que c'est comme ça qu'on va les convaincre, en fait. Non, mais c'est terrible. C'est-à-dire que du coup, on est obligé de fonctionner de la même façon. Bon. Et voilà. Et donc, ce truc du sentiment et tout, moi, je dis, il faut se détendre et se permettre de penser, s'autoriser à penser ce qui nous traverse, le mettre au jour. Ça, c'est juste le mettre au jour, c'est un acte politique, c'est un acte de barbarie, et c'est, en l'occurrence, moi, ce qui m'a amené à ça, c'est mon engagement au sein du Parti des Indiennes de la République, en fait. C'est ça qui me dit, voilà, c'est à partir de là que tout peut commencer, en fait. Qu'un nouveau monde peut commencer, que je vais enfin pouvoir trouver un horizon salutaire, véritable. Je vais enfin pouvoir sortir de l'impasse, de ce mauvais dilemme, en fait. Du monstre ou de la larve, ça c'est le dilemme de la condition barbare, c'est une formule d'Ouria. Soit des monstres, soit des larves, voilà ce que nous ferions. Bon, comment on sort de ce dilemme là Eh ben, comme ça, en posant quelque chose. Il y a une autre phrase que tu avais dite, qui était, c'est le « mon corps ne m'appartient pas », tu as fait une intervention pour dire ça, et tu dis, en fait, ce mot tournait autour de ma tête comme ça, je ne savais pas quoi en faire, et il tournait autour de ma tête, l'expression « mon corps m'appartient », comme quoi il fallait le dire, c'était obligé, parce que, voilà, il faut, en tant que femme, dans les milieux politisés, si on ne dit pas ça, « mon corps m'appartient », c'est pas possible, quoi, c'est que, tu Enfin, t'es complice du patriarcat. C'est haram. C'est haram. Et elle dit, il y a ce truc qui me tourne autour, là. Et qui me tape, et qui tape à ma porte. Et en même temps, je ne veux pas lui ouvrir parce que c'est un étranger. Je sens que c'est un corps étranger qui veut rentrer en moi. Et tu dis quelque chose, et tu dis, en fait, c'est le jour où j'ai décidé, où j'ai écrit noir sur blanc, mon corps ne m'appartient pas, donc j'ai décidé que je n'ouvrirai pas la porte. Mon corps ne m'appartient pas, que j'ai ressenti un sentiment de grande libération, que tu t'es mis à respirer, enfin. Et qu'à partir de cela, tout pouvait commencer, que le terrain était nettoyé. Je me souviens de cette expression. Le terrain est nettoyé. C'est ici que tout doit commencer. Merci. Quel talent. On pourrait y passer encore des heures, mais je suis faite de tous, de toi, de tes effluves. Quel talent, de tout ce qu'elle a. Le chapitre suivant est incroyable aussi, parce qu'il parle de la vie et la mort de Marcellin Deschamps. Moi, je préfère son patronyme gaulois à son patronyme arabe, c'est Mehdi Khalfat, quelque chose comme ça. Meklat. Mehdi Meklat. Alors lui, il a une histoire à la fois dramatique et amusante, comme partout, quoi. C'est une confusion incroyable. Et là, c'est un arabe des cités qui est monté au pinacle. Tout d'un coup, il écrit des blogs, il fait des articles, un artiste. Et qui est... Il y a une expression avec Jack Lang là-dedans qui est... Les petites elfes ironiques qui feront leur chemin. Lui, avec son ami Badro. Lui, c'est un arabe, et Badro, c'est un noir. Et partout, des mécènes aux flairs aiguisés leur tapotent l'omoplate en se vantant de les avoir dénichés. C'est joli comment ça. Petites elfes ironiques et tenaces qui feront leur chemin. Alors, ce Mehdi, il est intégré, il est accueilli, il est reçu dans les milieux gauche, artistique, intello. Voilà, je crois qu'on voit de qui on parle. Et tout va bien pour lui. C'est la starification, c'est la réussite, c'est la présentation comme un exemple pour tous les siens. C'est la preuve que la France peut même faire réussir des sauvages. C'est un sauvage apprivoisé. Oui, c'est pas un barbare. Mais il y a une barbarie. Il y a une barbarie. On découvre à un moment qu'il a un compte Twitter où les chiffres sont tellement énormes que c'est difficile à croire qu'il y a des dizaines de milliers de tweets qui correspondent à tout ce qu'on dit de nous. Homophobe, antisémite, sexiste, raciste anti-blanc, pour autant que ça existe. Islamophobe aussi. Comment ? Islamophobe aussi. Islamophobe. Mais c'est moins grave. Homophobe et islamophobe, mais c'est moins grave. Islamophobe et négrophobe, mais ça, tu vois, je ne l'ai même pas retenu, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et pour faire ça, pour afficher cette barbarie, il utilise ce patronyme gaulois. Donc son compte Twitter, c'est Marcellin Deschamps. Voilà, tu peux nous parler de ça. Oui, justement, c'est le truc du patronyme, c'est intéressant parce que c'est amusant, comme tu dis. Parce qu'en fait, alors je pense pas que c'est pensé, c'est pas quelque chose de volontaire, mais je dis qu'il y a un génie qui s'ignore dans l'attribution de ce nom-là, qu'il n'est pas mis, par exemple, un nom d'arabe, tu vois. Parce que, en fait, son barbare, finalement, c'est un français pure souche, c'est un français. Pur sang. Et ça, c'est intéressant, parce que ce que ça dit prend le contre-pied du récit officiel, de ce qui a été retenu comme récit de cette affaire, qui est en fait celui qui consiste à dire que Mehdi Meklat, en fait, était en lui-même un être ignoble, quoi, un barbare, comme tous les autres, finalement, alors qu'il devait... Il devait être un exemple à suivre, etc. Et que... Pardon, avec une réaction à ce moment-là de « Oh oui, on s'est fait avoir ». C'est ça. Et que donc, en fait, il s'est joué de nous. Donc, il a intégré ce monde-là en se transformant et en mentant sur ses véritables, sa véritable nature, etc. Enfin, parce que eux, le monde qu'il aurait rejoint, donc c'est la gauche, effectivement, culturelle, médiatique, cette gauche-là, elle n'a rien à se reprocher. Elle est merveilleuse. Elle est innocente. Voilà, là, ça, c'est important, la question de l'innocence, peut-être qu'on en reparlera encore. Vraiment, c'est ce qui détermine l'Empire, hein. C'est l'innocence de l'Empire. C'est-à-dire que c'est... les moyens, ils ont les moyens de leur innocence, quoi. Les moyens de l'innocence, les moyens objectifs, idéologiques, etc. Moi, j'adore cette expression dans ton livre. Tu dis un nouveau-né à côté est moins innocent qu'un nouveau-né. Et un nouveau-né à côté est plus trouble, quoi. Et plus. Et donc, la thèse, elle consiste à dire ça. Et ce que dit l'attribution de ce nom, en français, quoi, c'est que, en fait, on pourrait retourner l'histoire. C'est-à-dire que, finalement, Marcellin Deschamps, c'est moins le résultat de ce que serait en substance véritable Mehdi Mekhlat que ce qu'est devenu Mehdi Mekhlat au contact de ce monde-là, au contact de ces gens-là. C'est dans la friction de ces mondes-là, donc précisément pour les raisons que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qui rend un peu fou, qui fait qu'on pète des câbles parce qu'il y a des impasses, on sent qu'on est là, mais qu'on a été promu sur le dos des nôtres, c'est-à-dire promu sur notre propre dos, en fait. Donc c'est un truc complètement dingue. Et du coup, ça a créé en lui tout ça. Ça a créé une espèce de monstre. Et donc, la paternité de Marcellin Deschamps, elle revient, en fait, plus, finalement, à ce monde-là, au monde de la gauche, qu'à lui-même, finalement. Et c'était... Moi, c'est du coup, voilà, je me suis saisie de cette affaire pour faire une espèce de petit apologue. Enfin, je me suis dit, il y a un apologue de l'ensauvagement, plutôt de la dialectique de l'ensauvagement, ce que j'appelle. Parce que, bon, il se trouve ensuite ailleurs, j'en fais encore autre chose après, bon, c'est un peu trop complexe, parce que là, j'arriverai peut-être pas à le définir. Okay. Les deux chapitres suivants, c'est avec les rappeurs, Booba et puis PNL. On va englober ça dans une intervention sur le rap. Je voudrais juste citer une toute petite phrase dans la partie Booba, c'est vraiment trois lignes. Où ça permet de préciser ici quelque chose. Tu le cites là, donc je pense que c'est dans un de ces morceaux. Il dit « Tout commence dans la cour de récréation, Malabar, Choco BN, salle noire, ma génération. » Alors ça, c'est juste pour dire que on n'arrive pas à l'antiracisme par les études, par en découvrant les sciences sociales, en s'inscrivant dans un parti, en allant au scout. On l'apprend à la maternité. On le vit dès la maternité, dès la cour de récréation. On a une histoire ici que je ne vais pas développer, mais ils ont un folklore à hâte où ils ont un sauvage, où c'est un blanc qui se grime en noir. Et une des conséquences que ça a, concrète, c'est qu'une petite fille noire en maternelle voit venir vers elle une petite fille blanche. Et la petite fille blanche lui dit « Mais pourquoi t'as la peau du sauvage ?» Ah, elle a 4 ou 5 ans. Et cette phrase de Booba permet de préciser ça, que le racisme, c'est pas ou l'antiracisme, c'est pas un choix. C'est intrinsèquement dans nos vies. Voilà, tu peux peut-être rebondir là-dessus et puis nous dire ta manière de voir la barbarie à travers les rappeurs. Ouais. Bah, là-dessus, bah, oui, le racisme, c'est d'abord une expérience sensible, en fait. C'est une expérience sensible et c'est vrai que c'est comme ça qu'on le vit. C'est vrai que c'est de cette manière-là que je voulais poser la question, la rétablir, Et c'est aussi pour ça que je passe par la littérature. Parce que la littérature permet ça, permet d'atteindre quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de l'analyse, en fait. C'est pas purement politique. Bon. Et ça touche aux émotions, tout simplement. C'est pour ça que j'ai écrit de cette manière-là aussi. Voilà, c'est parce que Oui, je crois que c'est une manière aussi efficace de raconter et de faire voir, de te donner à voir de manière plus incarnée, plus voilà ce que ça signifie très concrètement en fait. Pour ça, mais alors pour le rap, pourquoi je m'en suis saisie ? Alors d'abord, il y a une histoire assez simple. Il y a une origine aussi que je n'ai jamais encore évoquée. Tu vois, j'ai plein de réminiscences. Non, c'est pas vrai, cette fois-ci. Il y a des choses qui deviennent. Ça ne peut pas être moi. Le rap, ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi. Elle n'écoute pas du tout le rap. Voilà, bien sûr, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est en fait j'avais lu un livre sur le cannibalisme. Bon, et dans ce livre sur le cannibalisme, c'est un livre d'un anthropologue, Monzer Kilani d'ailleurs. S'il me voit quelque part, je salue Monzer Kilani. Et il dit à un moment donné qu'il y a un peuple d'indigènes, ça s'appelle les Jivaros, qui alors il se dit que les Jivaros auraient tendu l'oreille sur ce que les missionnaires, les colons, disaient à leur sujet, donc qu'ils seraient des cannibales, justement, des réducteurs de tête, etc. Et que apprenant ça, ils ont compris que c'était ça qui faisait peur à leurs envahisseurs. Ils se sont dit, OK, ils sont en train de nous fantasmer sous cette forme-là. Eh ben, c'est une arme, en fait. Et en fait, ils sont en train de nous dire ce dont ils ont peur. Et donc, il faut leur dire qu'effectivement, nous sommes ça. Pour, en fait, les maintenir à distance. Et donc, ils ont parodié l'accusation. Plutôt que de dire, mais non, qu'est-ce que vous racontez ? Ils ont fait le truc du rester barbare. Ils ont fait le « et alors ?» et tout. Et ils ont dit, oui, tout à fait. On est des bouffeurs de têtes. Et vous n'avez pas intérêt à venir, en fait. Voilà, des réducteurs de têtes, et voilà. C'est super, ce truc. Et du coup, ils se comportaient, je veux dire, ils ont exagéré leur mœurs meurtrière, parce que c'est pas non plus des saints. Mais ils ont exagéré, voilà, ils ont fait toute une espèce de parodie, comme ça, de mise en scène de leur sauvagerie, voilà. Et il se trouve que ça, alors je sais pas si c'est très efficace, mais si, il me semble que ça leur a permis de gagner du temps, bon, sur le triste sort qui, quand même, leur était réservé, parce qu'ils ont fini quand même par disparaître. Mais ils ont gagné du temps, quand même, voilà. Et en fait, en lisant ce truc-là, j'ai fait un lien avec le rap, avec les rappeurs, et avec les hommes des quartiers populaires. Parce que moi, ce que j'entendais à chaque fois, c'était, mais ceux qui n'aiment pas le rap, n'est-ce pas, disent, mais ils sont insupportables, parce qu'ils donnent une mauvaise image des quartiers, et en fait, ils donnent du grain à moudre au discours en face, qui disent d'eux que c'est des sauvages, etc. Et eux, bah, le rap, bah, ils sont en train de montrer, ils font les singes, ils montrent que c'est des dealers, des criminels, etc. C'est vraiment... Voilà, c'est wa wa wa. Et puis ils parlent, on comprend pas leur langue. Ça c'est Youssef. Non mais on comprend pas leur langue, etc. Et ça c'est ceux qui détestaient ça. Et mais en fait je me disais, mais en fait la logique à l'œuvre est peut-être la même que celle des Jivaros. C'est une manière, en fait, symboliquement, de dire à l'Empire en face, maintenez vos distances. Non, c'est pas tiré par les cheveux. Alors lui, il est censé être un soutien de... Non, bon, déjà, il a pas lu mon livre, donc il sait pas de quoi il parle. Donc, et je pars de cette hypothèse-là, qui est une hypothèse. Et je me dis, effectivement, en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là, de... Bah, ouais, on est des sauvages. Ouais, vous avez raison. Et en fait, il y a comme une espèce de... Presque de motif de fierté à ça. Voilà. Et alors, là, clairement, voilà, je pense que là, on est en plein dans ce truc de la barbarie. Les barbares au sens homérique du terme. comment on se saisit de quelque chose qui, normalement, est quelque chose d'infamant, et on en fait quelque chose de dévastateur, mais au sens grand du terme, quelque chose de... C'est les barbares avec un grand B, quoi. Ils arrivent et ils nous font peur. Et ils sont puissants, en fait. C'est une manière de se raconter en puissance. Plutôt que... Voilà, bon, c'est ce truc. De se raconter en puissance. Et alors... Je me suis dit, le rester barbare que j'ai trouvé, donc c'est la fameuse formule de Katia Pichassine qui m'a donné en fait des lunettes. Une nouvelle grille de lecture de tes œuvres. Je me suis mise à tout regarder avec ces nouvelles lunettes. Je me suis dit, mais tiens, mais le rap, c'est ça. Alors, pas, évidemment, pas tout le rap, etc. C'est hétérogène et tout. Bien sûr, une fois qu'on a dit ça, c'est bon. Mais je veux dire, voilà, il y a cette partie-là. Le rap, c'est ça. Le rap, c'est une manière de se raconter en puissance, notamment parce qu'on refuse l'injonction à l'exemplarité, parce qu'on dit oui et alors, parce que, etc., etc. Et alors moi, en tant que ce que je suis, c'est-à-dire en tant que domestiquée, en tant que fille, que jeune femme, bien intégrée, vraiment bonne élève, très bonne élève, de la réputation, en ayant vraiment fait tout le parcours, etc., je comprenais pourquoi le rap me touchait, moi, en tant que tout ce que je suis, c'est-à-dire avec ce paradoxe-là, quoi. Pourquoi le rap hardcore, quoi ? C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien en commun avec la vie que je mène, avec a priori ce que je suis. Pourquoi ça me touche viscéralement ? C'est ça que j'ai interrogé. Et il me semble que c'est la clé de compréhension, c'est ça. C'est parce que ça me donne à voir une manière de se raconter qui enfin me libère de cette espèce de surmoi civilisationnel dans lequel j'étais empêtrée, j'étais piégée en tant que bonne élève, quoi, de la République. Avec le rap, je pouvais respirer. Enfin, je respire. Et en plus, ils le font, on pourrait dire, en massacrant la langue. Bien sûr. Pourrait plutôt dire en labourant la langue et en la régénérant, en fait. Même si ceux qui critiquent ne le voient pas comme ça, mais ils touchent la langue française, c'est un truc sacré, quoi. Bah, oui, et il se trouve que par ailleurs, en plus, ça me parle encore plus parce que j'écris. Et donc, ça me parle aussi en tant qu'autrice, en fait, en tant qu'ayant cette expérience de l'écriture. Et parce que je suis arrivée à un point où il m'a semblé que je ne pouvais plus écrire. Je ne pouvais pas écrire. Comment dire ? Écrire vraiment, en fait. Que tout ce que je faisais, c'était une espèce de pastiche. Ou qu'en tout cas, j'étais asséchée par une éducation, par mon parcours, tout simplement. Par tout ce que j'avais... par tout ce que j'avais concédé. Et moi, en fait, quand j'arrive en littérature, j'arrive avec ce diagnostic-là, qui est un diagnostic d'impuissance à écrire. C'est quelque chose aussi que je retrouve chez des gens qui écrivent de ma condition, et qui me semblent écrire, qui me semblent se débattre avec l'écriture, mais qui ne me semblent pas produire quelque chose de véritable, en fait. Et je dirais pas de nom, etc. C'est ça. Mais qui, voilà, ça ne passe pas. Il ne se passe rien dans leur écriture. Pourquoi il ne se passe rien alors que leurs conditions devraient faire que si eux ils rentrent en littérature, normalement il y a un attentat de manière automatique. C'est pas normal que en étant ce que nous sommes, c'est-à-dire des barbares, en étant justement pas complètement intégré, c'est pas normal que quand on se met à écrire, il ne se passe rien. Ça veut dire que là, on a été complètement asséché. Normalement, si on écrit, ça crée une bombe. C'est ça. On a été neutralisé. Et là, vraiment, moi, c'est ce truc de comment j'écris, comment je fais. Et c'était pas possible. Il y avait quelque chose. Voilà. Et les rappeurs, le rap, moi, je prends Booba et PNL, bon, voilà. Pourquoi pas, mais je pourrais prendre autre chose, mais c'est parce que voilà, j'ai voulu mettre ce que j'écoute vraiment, qui me touche. Et ben, ça m'a presque donné. Tu fais ce que tu veux, en plus. Oui, je fais ce que je veux, voilà. Mais ça, non. Mais ça m'a presque donné comme la préfiguration d'une réponse, en fait. de dire, mais voilà, c'est vers là qu'il faut aller. C'est pour ça que je dis, il faudrait imaginer un destin littéraire du rap. Je me disais, ok, il faut faire un truc comme ça. C'est presque une voie qui m'est montrée, il me montre la voie. Ça, je trouve ça intéressant que ceux qui me montrent la voie, ce sont des hommes. À moi, à moi qui, en tant que femme, est plutôt encouragée, au contraire, à me saisir de cette identité de femme comme quelque chose de... Je t'arrête parce que tu fais une transition parfaite vers le dernier chapitre et la voix du blâme, où tu expliques ce que ça peut être d'écrire comme une beurette, d'écrire comme une femme non blanche en France. Pourquoi tu ne le fais pas comme ça ? Le bouquin, tu ne l'as pas écrit à la première personne, tu ne l'as pas écrit sur le mode du témoignage de la femme élevée chez les beurs, enfin, sur ce qu'on peut beaucoup lire par ailleurs. Tu craches évidemment pas du tout sur tes origines, sur ce que tu es, sur ce que nous sommes. Tu parles en individu politique, en fait. Tu parles de notre état d'indigène et de ce que c'est de l'être en France. Et en Belgique aujourd'hui, parce que la Belgique c'est un peu différent, mais c'est surtout pareil que la France, à plein de niveaux. Donc ça nous concerne. On va finir avant de donner un peu la parole à la salle sur ce fait de pas être tombé dans le piège d'écrire comme une beurette et d'avoir écrit comme tu l'as écrit. Dit comme ça, c'est horrible. Non, mais bon, cette question de la. En fait, donc, bah, en fait, du coup, je reprends parce que je disais que c'est en tant que. Que normalement, en fait, mon identité de femme, c'est quelque chose que je suis encouragée, que le système entier m'encourage à mettre en avant, en fait. Je veux dire, pourquoi ? Parce que, paradoxalement, contrairement à ce qu'on dit, et contrairement à ce qu'on se raconte comme histoire, ce sont des histoires, c'est faux, ce n'est pas vrai que les femmes issues de l'immigration sont invisibilisées, par exemple. Dans nos, ben, dans les franges progressistes. Arrêtons de se raconter cette histoire. Nous sommes survisibilisés, en fait. C'est l'inverse. Proportionnellement, il n'y a pas d'hommes issus de l'immigration qui parlent. C'est que nous. Donc, et cette survalorisation. Elle n'est pas le fait, on n'est pas naïf, elle n'est pas le fait d'un intérêt à l'endroit de nos intérêts. Je veux dire, elle n'est pas le fait d'une bienveillance parce qu'on s'intéresse vraiment à nous, etc. C'est pas ça qui est en jeu. En fait, c'est pas ça qui est en jeu. Alors, qu'est-ce qui est en jeu ? Bon, l'histoire nous l'a enseigné. On a eu ni pute ni soumise, etc. C'est-à-dire, on a eu le récit de l'intégration. Décliné au féminin, c'est-à-dire effectivement le récit de la beurette contre les barbares. Donc un détournement de nos intérêts de genre sur le dos de nos hommes. Bon, tout ça est connu. Mais il se trouve que, moi je dis qu'à aujourd'hui, effectivement, il est plus difficile, quand même. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'il est plus difficile d'être une femme non blanche et de cracher sur les nôtres. C'est-à-dire, il est plus difficile de trahir, en fait. Et parce qu'il y a eu effectivement une politisation dans ce sens-là, parce que voilà, on a avancé. Il y a eu un rapport de force qui s'est imposé, donc. C'est plus possible d'être... On a tué ni pute ni soumise. On a tué ni pute ni soumise, voilà. Il y a encore des... Comment ça s'appelle ? Je sais pas. Oui, mais on les a balayés. Bon, bref. Donc ça, c'est bien. Et moi, je pense que maintenant, en fait, ce qu'il y a de plus pernicieux, c'est qu'on n'a même plus besoin de cracher sur les nôtres de manière explicite pour quand même jouer un certain jeu qui consiste à maintenir... nos hommes dans une forme d'oppression, bon, alors d'invisibilisation, mais on s'en fout, mais d'oppression, d'illégitimité. Eux, en fait, ils n'ont rien à dire, en fait. Rien à dire, absolument rien. Et nous, on n'a pas besoin non plus de cracher sur eux, c'est-à-dire que juste que on est les seuls autorisés à parler. Et on joue ce jeu-là, et on l'accepte. Et alors, si en plus on dit que c'est en tant que femme qu'on parle, c'est-à-dire pas en tant que juste membre d'une communauté, en tant, moi je parle en tant qu'arabe, mais j'ai pas envie de parler en tant que femme, par exemple. Moi, c'est ma manière de justement, de pas jouer ce jeu-là. Moi, je veux pas jouer ce jeu-là, du coup, je parle pas en tant que femme. Je veux pas. Ça me gonfle, en fait. Et j'entends que c'est ce qu'on veut que je dise, on veut que je parle en tant que femme, c'est important, parce qu'il faut que je pose un propos là-dessus, sur cette condition. Je n'ai pas. Ma façon de m'opposer à ça, de me révolter vis-à-vis de ça, et donc d'être solidaire de ma communauté, etc., c'est d'effacer ma position d'énonciation. C'est la raison pour laquelle je fais pas un récit, par exemple, à la première personne, pour parler de moi en tant que femme, etc. Je parle que des hommes, notamment, parce que je pense que c'est. Parce que en plus, ce sont les vrais barbares. C'est vraiment, c'est eux la figure vraiment de l'irrécupérable, c'est-à-dire ceux à qui aucune proposition n'est faite. Ils sont même pas sauvables. Ouais, il y a rien à tirer. Bon, je veux dire, c'est ce qu'on dit souvent, c'est les premiers qu'on licencie, les derniers qu'on embauche, c'est ceux qui sont en prison, c'est ceux qui meurent sous les coups de la police, c'est ceux qui sont contrôlés au faciès plusieurs fois par jour. C'est eux qui sont fichés S, c'est eux qui sont perquisitionnés, c'est un truc de ouf. Et nous on va continuer à dire non mais c'est, et nous on va continuer à raconter l'histoire que ouais moi en tant que femme je me sens invisible. Non mais c'est, je sais pas, possible de mentir comme ça, de se raconter cette histoire. Moi c'est pas possible. Moi j'ai des frères, j'ai des fils, j'ai un mari. Je peux pas les regarder en face et me raconter l'histoire que je suis, moi, plus dominée qu'eux dans la société. Et que du coup, en tant que plus dominée qu'eux, parce que selon le truc de l'intersectionnalité qui s'ajouterait comme ça, des oppressions, des strates qui sont... Du coup, j'ai plus de légitimité à parler, et eux, en fait, il faut qu'ils la ferment, parce que c'est moi qui dois parler, parce que je suis plus fragile. Non, avec cette espèce d'offense à chaque fois qui me serait faite... C'était pas, je veux pas jouer ce jeu-là, quoi. C'est clairement une manière de le dire comme ça. Je crois que... Bon, voilà, c'est encore la question du féminisme. Hein. Ne pas se dire féministe, c'est aussi une petite barbarie. Je ne suis pas féministe. Ça, c'est... Moi, j'ai fait ma barbarie, moi. J'en ai une, j'en ai pas beaucoup. C'est la barbarie. Non, j'en ai pas beaucoup dans ma vie, mais j'ai... J'ai dit dans un colloque féministe, parce que c'est ça qui est intéressant, donc face à un parterre de féministes, je ne suis pas féministe. J'ai commencé comme ça. Et après, bien sûr, bah, évidemment, t'es là, tu fais, mais qu'est-ce que... Voilà. Et après, bien sûr, l'idée, c'est de montrer ce qu'il y a de sens politique derrière ce truc-là. C'est pas un antiféminisme primaire, quoi. Ouais. Merci beaucoup, on va... Là, les questions à la salle. Merci d'abord, merci à vous trois. Merci beaucoup. Wissam, comment on fait pour le micro avec les questions de la salle? Moi, j'ai un micro là, et si vous avez trois micros devant, là, si vous voulez faire passer, soit... Ça va. Ouais, voilà. Ouais. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. On va peut-être en garder un. Ouais, je garde un, ouais. Attention, il y a un fil, du coup. Ouais, mais il faut faire de l'ordre dans les questions. Ouais. Pour combien de questions il y a? Il y aura aussi, je prendrai aussi deux trois questions du chat. Ça va. Il y a 350 personnes qui regardent. Qui veut avoir des questions à la salle? Je prendrai les questions du chat, vas-y. Allez, prendre. Je vais faire une ou les deux là-bas et après le chat. Voilà. C'est là-bas. Parce que je voulais que je prenne une photo avec vous. Oui. Merci. C'est la bonne question. Ben oui, il faut pas tout. Donc, là, tout le monde va. Tout le monde est tout sorti, rentré. Non, c'est j'ai peur. Voilà. Je voulais remercier donc. C'est le seul jour où on sera ponctuel. Il est barbare aussi. Hein. On te demandait glace vanille ou glace chocolat. La vanille. Il y a une question ici, donc si tout le monde peut se poser. C'est posé, merci. Donc, je voulais remercier quand même l'autrice, donc Louise, donc Yousfi, mais aussi Ouria Boutelja, parce qu'en réalité, c'est sa mère d'une certaine manière. Sa grande sœur. Je dis bien sa mère, parce que bon, je comprends un peu l'affaire, parce que cette histoire de barbarie, en fait, elle est très, très. Donc, je voulais te poser une question. Finalement, donc, ton prochain livre, c'est nous définir. La barbare que tu es ou le barbare que tu es, parce qu'en fait, en réalité, lorsque j'observe ton livre, dans notre tradition africaine, donc la vitalité donc est portée par la maman et sécurisée et donnée. C'est la maman qui donne la sécurité et la confiance à cette vitalité. Mais après, donc il y a le père finalement qui lui va donner forme, va aider à former, va aider cette vitalité à prendre forme. Et donc, il y a cette complémentarité, en fait, entre papa et maman. Finalement, donc, dans ton livre, ce que je pense, c'est que finalement, ce que tu dénonces, en fait, dans ton mot barbare, c'est le fait que tu es dans une société où ta vitalité, en fait, ne prend pas forme. Et en réalité, je pense, en fait, que c'est le fait que, comme tu l'as très bien dit, et Ouria l'a très bien dit tout à l'heure, donc, les papas sont étouffés. Les papas sont étouffés. Ce qui fait que finalement, donc toi, tu nous donnes comme réponse, en tout cas sociologique et aussi psychiatrique d'une certaine manière, tu dis, écoute, ce qu'il faut faire, pour l'instant, restons barbares. Mais est-ce que tu ne penses pas finalement qu'il faudrait peut-être alors qu'on dise c'est quoi être barbare parce que comment prendre forme d'une certaine manière? Parce que finalement, les jeunes donc, des quartiers, peut-être que c'est ça finalement qui serait le moteur. Mais là, moi, je te remercie quand même, parce que pour ton jeune âge par rapport à moi, écrire un livre comme ça, c'est champion. Et voilà. Sur la question du papa, ça m'interpelle parce que... alors effectivement, je place le livre sous l'égide d'une dédicace qui est celle que je consacre à ma mère et à mon père. Je dis à ma mère qui me gronderait pour écrire sa méchanceté et à papa qui sourirait. Parce qu'il me semblait qu'il y a deux choses. Bon, j'ai des choses très, très, très réelles, très concrètes pour moi, parce que ma mère, c'est ça. En fait, c'est la part en moi qui va plutôt tâcher de vouloir s'intégrer, mais c'est pas une lâcheté, c'est quelque chose, c'est un sens de la responsabilité en fait, c'est un sens de mes intérêts et c'est, comment dire, c'est une inquiétude digne, c'est une inquiétude de mère quoi, et qui est là et qui est en moi. Et le papa qui sourirait, parce que papa, il me semble qu'il y a quelque chose de plus qui est de l'ordre justement de ce feu intime qui me pousse vers cette espèce de panache, quoi, d'insolence, de attention, ne fais pas trop ce qu'ils veulent que tu fasses, n'oublie pas. Et ce truc qui est genré, je pense qu'il faut l'interroger. Pourquoi il est genré sous cette forme-là? Alors, notamment parce que, effectivement, nos papas n'existent pas. Et il y avait une phrase que j'avais déjà vue quelque part dans une enquête sur des femmes de quartier qui devaient monter des associations féministes et je sais pas quoi. C'était en fait, en gros, les subventions publiques pour qu'elles puissent monter une association devaient répondre à certains critères, dont notamment la question de la lutte contre les violences patriarcales, je sais pas quoi. Et elles, bah, du coup, bah, elles étaient contraintes de dire « Oui, oui, d'accord, on fait ça, tu vois. » Et en fait, l'enquête montrait qu'en fait elles ne faisaient pas du tout des trucs de féministes. Elles faisaient des trucs... l'enquête, elle disait « familialistes ». C'est-à-dire, en fait, elles s'intéressaient au sort de leurs enfants, du rapport à la police, de l'école, des trucs comme ça. Pas du tout des trucs sur les hommes. Et en plus, elles avaient une préoccupation qui était réhabiliter leurs hommes. Et elles parlaient de la violence qui leur était faite à travers la violence faite à leurs hommes. Incroyable. Truc à entendre, là. Et pas à noyer sous... Non, si vous voulez vos subventions, c'est du féminisme ou non, tu vois. Truc à entendre. Et il y a une femme qui dit, lors d'un congrès, je sais plus quoi, bon, tout ça, je peux vous le retrouver. Elle dit une phrase qui dit « Nos hommes sont morts ». Lourde. Douloureuse. Et alors, moi, je trouve intéressant et important de te dire qu'effectivement, moi, même en tant que femme, en fait, je ne peux pas me sentir, puissante si mon père est mort, en fait. C'est pas possible. En fait, c'est paradoxalement, c'est à travers lui que j'ai besoin de regagner ma puissance. C'est aussi pour ça que, finalement, je dis que c'est les hommes qui parlent pour moi. Et c'est pas moi qui parle pour eux, en fait. Moi, je me sens incomplète. S'il n'y a pas cette partie-là qui est réhabilitée, qui est réintégrée. Et ce n'est pas être complice du patriarcat. D'accord ? Ce n'est pas ça. S'il vous plaît. Mais laissez-nous le dire, ça. Voilà. Je vais donner le micro avant. Je vais poser une question du chat. Alors déjà, il y a beaucoup de mouvements de solidarité pour toi, Auréa. Et le maman. Ils ont dit que ça soit que c'est sa sœur. Et il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que si je fais des études, j'obtiens un diplôme, tout ça, est-ce que c'est perdre un peu de sa barbarie? Non. Oui. Il faut que tu deals. C'était une vraie question, hein. Non, mais ouais. Non, mais réponse. Mais oui. Et elle va dire non, mais oui, non. Bah oui et non. Non, mais. Non, mais oui, mais pas. Mais ça, du coup, ça veut. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas quelque chose de prescriptif quand on dit rester barbare. C'est plus quelque chose. Déjà, c'est une manière d'illustrer, de mettre en scène une tragédie. Voilà. Et une tragédie, c'est quoi qui définit une tragédie ? C'est l'impossibilité d'être autre chose qu'elle-même. Donc, c'est que. Je vais pas leur dire non, ne faites pas des études et. Et soyez fous et foutez le feu, ça n'a aucun sens en fait. Donc il n'y a pas de, j'ai pas une solution en fait à apporter, mais d'abord simplement de pouvoir se permettre de voir de manière aussi précise la complexité de notre condition, c'est une première étape. C'est une première étape. Après moi j'ai tendance à dire, mais c'est pas dit dans le livre, mais après moi je suis une militante en fait. Donc, moi, la solution, ce sera toujours dans la politique. Ce sera toujours dans la lutte. Et la lutte, ça ne se décrète pas par le haut. Ce n'est pas mon cerveau qui va définir un truc. Ça se décrète par la pratique, en fait. La praxis militante. Par la rue. Et donc, ça, c'est des trucs... ça se fait en se faisant, voilà. Donc, il faut lutter. C'est ça con comme ça, mais c'est la seule réponse que j'ai à apporter si on doit me demander oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire quoi. Oui. Peut-être pour répondre à la question peut-être plus directement, ne pas oublier que la citation qui est une des inspirations de ton livre, Rester barbare, vient de Kateb Yassine. Qui est un gars qui est au moins équivalent, je ne sais pas quel diplôme il a, mais c'est un lettré, c'est un peu comme nous ici dans le Nord, à l'époque c'est un indigène aristocrate, privilégié, et c'est malgré tout lui qui dit cette phrase qu'il faut rester barbare. Oui. Donc oui, Auréa n'est pas d'accord, mais moi je pense qu'on peut avoir des diplômes, un diplôme et rester barbare. Alors, il faut bien parler dans le micro. Voilà, parfait. Alors, moi, c'est vraiment un témoignage de gratitude hein, que je voudrais passer aujourd'hui, parce que je pense qu'être ici, ça m'empêche de devenir folle ou de complètement virer folle. Alors, moi, j'ai grandi, j'ai été élevée dans une des périphéries de l'Empire, hein, en Tunisie. Et à l'époque, j'avais lu le livre de Hurriya, mais c'était très c'était théorique, hein, c'était des débats que je suivais. Tout en sachant un jour que j'allais partir, hein, donc je me préparais, je pensais une thérapie de prévention que je fais ici. Et puis je suis venue en Belgique, je pensais pas y rester, mais j'y suis. Et ça fait 4 ans, hein, et dans mon milieu à moi, parce qu'on bataille tous, on galère tous pour des cartes de séjour, personne ne se pose la question de rester barbare ou pas, déjà qu'on n'est pas intégré et qu'on n'est pas sûr de rester ici. Mais moi j'ai toujours cette urgence, je l'ai toujours sentie, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, ça restait très théorique. Et puis, il y a 2 semaines, il y a un truc qui a pété, en fait. Et c'était l'assassinat de Shirin Abu Akleh, donc la journaliste palestinienne, hein, qui a été tuée, qui a été assassinée par Israël. C'était une très, très belle journée. Hein. J'étais dans mon appart à Bruxelles et tout le monde s'en tapait. Tout le monde s'en foutait. Je regardais de la rue, les gosses jouaient. Voilà, je suis sortie hein, parce que je voulais vraiment voir ne serait-ce qu'un petit signe que quelqu'un en avait quelque chose à foutre, en fait. Et je suis partie au boulot, je bosse dans un centre de recherche assez politisé et tout. Et là, je me tourne vers mon collègue, je lui dis « As-tu entendu parler de Shirin Abu Akleh ?» Il m'a dit « Ah oui, c'est tragique. Moi aussi, je suis triste parce que j'ai une amie, en fait, qui n'a pas été élue à la tête d'une commission, je ne sais pas où, européenne, parce que c'est une femme. » Et je l'ai regardé, j'ai eu envie de le buter. Je vous jure, hein. Et je suis rentrée, je me rappelle, j'ai ouvert Al Jazeera en arabe, parce que c'est un truc qui me connecte énormément avec mes parents aussi. J'ai toujours regardé Al Jazeera en arabe. Et je n'ai fait que pleurer pendant 3 jours en regardant vraiment les images de ces funérailles. Et donc voilà, être ici, ça m'empêche de devenir complètement folle, je pense. Voilà. Merci. La dernière question du chat, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que rester trop barbare, est-ce que ça n'empêche pas de construire des ponts avec les beaufs? Comment on peut construire des ponts avec les beaufs? Il n'a pas écouté, je crois. Je vais donner la parole à experte docteur S barbare et beauf. Union beauf et barbare. En plus, t'as mis la bonne veste. Bah en fait, je dois dire que, alors les beaufs, je précise ici hein, que c'est qu'on utilise, enfin moi que j'utilise les mots beauf et barbare dans le sens d'assignation. Les indigènes sont assignés à des barbares et les prolétaires blancs à des beaufs. Donc ce ne sont pas mes mots. Et en fait, je pense que c'est que paradoxalement, autant le racisme empêche l'alliance des beaufs et des barbares, autant les histoires de progressisme unissent les beaufs et les barbares, ou toutes ces questions-là, en fait. Et en fait, on a beaucoup en commun avec les beaufs, et je pense que les beaufs dont on parle ont, d'une certaine manière, leur part de barbarie, parce que c'est c'est précisément du fait qu'ils ne sont pas suffisamment civilisés, ces beaufs-là, qu'ils sont des beaufs, aux yeux de la gauche progressiste, aux yeux des élites blanches. Et au final, je pense que ce qui... Il y a ce grand, grand paradoxe qui est que ce rapport et cette convergence avec les beaufs, elle va être extrêmement difficile du fait qu'ils ont un intérêt au racisme et qu'ils ont un intérêt objectif à le rester et donc à vouloir ou à militer pour passer avant nous, d'une certaine manière. Et donc, en fait, il faut briser le mur du racisme et donc que les beaufs comprennent peut-être que entre la collaboration de classe avec la bourgeoisie blanche et la collaboration de race avec les indigènes, peut-être que un jour ils comprendront de manière massive qu'il est peut-être préférable de faire alliance avec nous. Mais ça, encore faut-il qu'ils comprennent la question de la collaboration de classe. Mais sur d'autres questions, sur plein de questions, on a en fait paradoxalement beaucoup de choses en commun. Donc je ne crois pas que le fait que nous on soit trop barbares, je ne crois pas que ce soit que ça empêche la convergence. Presque au contraire. Au contraire. Je suis désolée, mais c'était la cousine qui l'intéressait. non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais je pense que ça l'intéressait, mais il a dit. Alors, je vais relire sa question. Il a dit. Je voulais qu'elle en parle d'un point de vue sensible, des affects. Ce qui nous lie pas politiquement, mais dans le rapport au monde. Mais tranquille ou rien, il répond quand même d'une certaine manière. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est sympa de le dire comme ça. Alors, genre, en gros, moi, je suis la version genre littéraire. Poétique. Poétique. D'Ouria. Parce que c'était une question intéressante pendant le truc. Il y a quelqu'un qui demandait quel était le meilleur moyen de convaincre les Blancs. Est-ce que c'était le côté bulldozer de Ouria ou le côté littéraire de Louisa? C'est ça. C'est la combinaison des deux. Mais en plus, je trouve... Ouais. Non, mais moi, je trouve que... Il y a beaucoup de tendresse chez Ouria. Et moi, parfois, je ne suis pas si poétique que ça. Donc, c'est entremêlé, quoi. Mais non, mais franchement, je n'ai pas de réponse particulière à cet endroit-là. J'ai pas envie d'en... En fait, peut-être que j'en ai une, mais je n'ai pas envie de l'improviser comme ça. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a encore deux questions. Nordine et Zainel. Non, moi, je passe mon tour. Sinon, je vais faire du freestyle. Ah oui, j'ai le micro. Oui, c'était pas une question, c'était une affirmation sur le dernier chapitre de... Enfin, les évocations de père, etc., la figure du père et compagnie. Moi, j'ai vu mon père effectivement souffrir de racisme après s'être installé ici en Tunisie. Je donne toujours l'explication que mon père n'est pas un migrant. Il a fait une rencontre romantique en vacances avec ma mère et puis il a décidé de venir ici par amour. Mais effectivement, les événements terroristes, etc., moi, m'ont fait prendre conscience que j'étais privilégiée parce que j'étais une femme, que je peux passer pour mexicaine, chilienne ou je ne sais pas. Par contre, que effectivement, les hommes d'origine nord-africaine, arabes, eux, étaient pas du tout dans ce privilège. Et j'ai eu très vite peur pour mon frère, qui n'a pas de tête d'arabe, contrairement à moi. Mais effectivement, il y a eu aussi, à ce moment-là, une révélation de se dire, en fait, moi, je dirais de parler, de ne pas avoir de sentiment de trahison, c'est assez fort, mais de se dire, en fait, effectivement, les hommes de ma communauté, même si je n'aime pas du tout ce terme, sont en dessous de moi dans la hiérarchie. En tout cas, on va les pointer du doigt plus facilement. Et est-ce que je vais user de mon privilège de me dire « Mais oui, c'est vrai, ils sont horribles, etc. » Non, en fait, justement, je vais les défendre. Et parce que personne ne le fera à leur place aussi, que même s'ils essayent de le faire, ils n'y arriveront pas. Et donc, c'est vrai qu'en lisant ce dernier chapitre, je me suis dit « Mais c'est exactement ça ce que je vis depuis quelques années. » Et c'est pour moi une forme de militantisme. Alors... Je me considère comme féministe, mais je suis la première à critiquer justement une certaine tranche du féminisme qui ne se rend pas compte qu'il y a des hommes justement qui sont en dessous d'en dessous et que ce féminisme-là peut les écraser encore plus. Mais voilà, c'était juste l'intervention de se dire « Ok, je ne suis pas toute seule à penser ça et je ne suis pas toute seule dans mon délire. » Ça peut être vu comme tel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, je voulais peut-être dire quelque chose par rapport à ça. Comme ça a été abordé tout à l'heure, la question des hommes, et que tu en parles là, je pense que c'est important peut-être de pointer une espèce d'énigme autour des hommes indigènes. Il y a quelque chose d'assez énigmatique, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a aucune politisation de cette condition, de leur part. Aucune. Il n'y a même pas le geste de vouloir politiser une question dont ils ont parfaitement conscience. Parce que eux, contrairement à tout le monde, ils savent très très bien... que leur sœur, elle passe avant eux. Ils le savent, ça. Tout le monde le sait. Ils le savent. Et ils le savent depuis 40 ans. C'est-à-dire la question des beurettes, ou de l'intégration des beurettes, ou l'offre politique qu'on fait aux beurettes, ou aux femmes noires en France, ben on l'a fait depuis 40 ou 50 ans. Et eux n'ont jamais été concernés par cette offre. Et donc, ils le savent très bien. Ils savent très bien que c'est eux les dindons de la farce. Et l'énigme absolue c'est qu'à aucun moment, il ouvre le bec ou il tente de se retrouver collectivement pour dire bah, pourquoi on ne politiserait pas cette question. Parce que ça serait légitime de le faire. Ah ben, ils ne le font pas. Donc c'est vraiment, je crois que c'est un problème culturel aussi. Donc c'est psychiatrique. Donc c'est pour ça que je dis que le livre qu'elle a écrit, que vous avez écrit, c'est vraiment, c'est chapeau parce que c'est sociologique, mais c'est psychiatrique aussi. Il n'y a pas de micro, les gens... Non, mais tu peux résumer. Monsieur dit que c'est psychiatrique. Donc en fait... C'est culturel aussi, donc c'est vraiment... culturel. C'est vraiment psychiatrique. Donc c'est quelque chose de psychiatrique. C'est pour ça que moi je disais que le livre que vous avez écrit sont des livres sociologiques, mais c'est aussi intéressant pour les psychiatres, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes en fait entre de jeunes qui aujourd'hui en fait ont leur vitalité vraiment morte. On ne comprend pas pourquoi. Mais en réalité, c'est toujours en fait le même problème. Je crois que c'est lié à la question que tu poses, qui est une très bonne question. Tu t'es dit, mais pourquoi est-ce que ces hommes ne bougent pas? Ça fait 40 ans. Moi, j'ai deux hypothèses, mais après, je pense qu'il y a plein d'hypothèses, mais moi, j'en ai au moins deux. La première hypothèse, c'est qu'en fait, ils ont une connaissance très, très fine de la société. Et je ne sais pas, imaginons deux secondes des hommes qui se mobilisent et qui disent, nous, hommes indigènes, on est des victimes. Non, mais c'est... C'est juste... c'est un attentat. Ça, c'est un attentat. Je veux dire, non, mais qui c'est qui va les prendre au sérieux? C'est tellement établi que les femmes sont victimes de l'ordre patriarcal que des hommes ne peuvent même pas imaginer deux secondes se mobiliser pour ça. Ça, je pense que c'est juste une connaissance, une grande conscience des rapports de force de ce pays ou de ces pays. À chaque fois que je parle, je crois que je suis en France. Et donc, de bien comprendre que c'est juste inaudible. Inaudible. Mais la deuxième raison, à mon avis, elle vient d'une certaine conscience de leur propre dignité. C'est-à-dire qu'on les voit mal venir se plaindre. C'est-à-dire, ça fait un peu mesquine, quoi. Ça fait genre minable. Ça fait genre... c'est le contraire de la virilité, quoi. Parce que eux, ils sont... C'est des hommes. Ouais. Et tu vois ? En fait, Donc ce sont des hommes, quand même, je veux dire. Ils vont pas faire les pauvres types, quoi. Et en fait, ils sont pris à la fois... C'est-à-dire qu'ils veulent pas faire... De féminisme à l'envers. Voilà, ça serait des espèces de féministes à l'envers. Et alors que si on devait analyser la chose matériellement parlant, s'ils devaient se mobiliser pour dire ce qu'ils sont et la condition qu'ils leur est faite, moi je sais que je ne pourrais pas les convaincre avec des masculinistes, c'est-à-dire des hommes blancs qui eux se plaignent de leur castration parce que le féminisme les aurait castrés. Bon, genre Sora, l'extrême droite et Zemmour et compagnie. C'est précisément parce qu'ils sont tout en bas que ça serait pas du masculinisme. Ça serait vu comme ça. Mais moi, je sais que ça le serait pas. Mais pour autant, c'est vrai qu'ils ne le feraient pas par dignité. Donc, ils le font pas par dignité. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une parole qu'on ne peut pas entendre, qui n'existera jamais pour ces deux raisons. Elle n'existera jamais. Et donc, par conséquent, les seuls qui peuvent la porter, ben, c'est nous. Il n'y a que les femmes qui peuvent dire à la place des hommes... Alors c'est curieux parce qu'en fait, C'est une espèce de... Comment dire? C'est une règle morale qui consiste à dire on n'a pas le droit de parler à la place des autres. Pourquoi vous parlez à la place de machin? Vous êtes qui pour parler à la place de... Tata, tata, le premier concernisme. Eh bien, ça marche... Là, eh bien là, en l'occurrence, ça ne marche pas. En fait, on doit le dire parce qu'ils ne peuvent pas le faire, ils ont raison. En fait, moi, je leur donne raison de ne pas le faire, en fait. C'est curieux, mais je leur donne raison de ne pas le faire parce qu'ils ont leur dignité, parce que voilà. Mais nous, on doit quand même le dire parce que si on ne le dit pas, on nous prend, nous, pour les victimes ultimes. Et donc, on oublie qu'en fait, il y a la question des crimes policiers, des violences, de la prison, etc., etc. Donc, il y a ce truc, voilà. C'est très curieux. Oui, et alors ? J'ai deux questions du coup, une pour plutôt pour Louisa Yousfi. Madame Louisa. Est-ce que vous avez du coup envoyé le livre à PNL et Booba? Et est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'il y a un contact avec eux? Et du coup la deuxième question qui continue un peu la question, c'est Est-ce que, du coup, vous parlez pas mal de un des axes que vous montrez pour... je suis stressé, désolé. Pour trouver un moyen de changer le rapport de force, c'est la communauté. Vous en parlez, et Louisa Youssoufi, un peu comme quand on est en groupe, vous faites plus peur aux blancs que quand vous êtes isolé. Et aussi cette proposition d'amour révolutionnaire chez Ouria Boutelja. Et du coup, je me posais la question de, est-ce que ça fait partie du futur, de possible, d'écrire des livres en featuring avec, pourquoi pas, des rappeurs ou d'autres gens, ou du coup des... Oui, voilà. Joseph qui dit, il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Mais je l'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Alors, pour PNL et Booba, oui, on a envoyé les livres. On a eu un retour de PNL par mail qui nous a dit « Bonjour, madame, merci beaucoup. » C'est très chouette. Merci. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. On va lire. Au revoir. Très respectueux, pas barbare. Non mais super quoi, très sympa quoi. Oui, bon, voilà, mais après on n'a pas eu de retour. Et pour Booba c'est plus compliqué parce qu'il n'est pas en France et on est passé par plein de trucs. Mais en tout cas, oui, il va lui être parvenu. Il ne lui est pas encore parvenu, mais bientôt. Voilà, parce que c'était compliqué de... Oui, bah, et c'est vrai qu'il a repartagé un... Moi qui suis un fidèle de Booba, donc... J'ai noté qu'il y a une de tes pages qui a... Il a partagé sur sa story Instagram, voilà, une page du livre, mais il se trouve que c'est pas lui qui avait pris la photo, donc il n'était pas en possession du livre, donc il n'a pas pu le lire. Voilà, pour l'histoire un peu. Après, franchement, j'ai pas pensé à ça, l'histoire des featuring, etc. Je sais, franchement, je sais pas, parce que c'est toujours la question de, alors le prochain livre, ce sera quoi? Et alors, c'est quoi la suite et tout? Ben, pareil, là, c'est en se faisant, en fait. C'est le travail. Et c'est le travail couplé avec un souci constant, je pense, de la politique et de la politisation. Et ça, c'est important de le dire et de me le dire, parce que très souvent... Très souvent. Mais bon, c'est ce que j'entends en général, c'est que ce qui fait que la littérature est un peu asséchée, c'est que aujourd'hui, c'est qu'elle souffrirait de trop de politisation, en fait. C'est ce que j'entends souvent. Et en fait, comme il y a trop de politique dans la littérature, du coup, ça fait des littératures qui veulent entrer dans des espèces de cases, et donc dans une forme en fait de respectabilité, etc. Ce qui est vrai, mais en fait, ça, ce que je dis, et donc du coup, il faudrait abandonner les œuvres proprement politiques pour faire de l'art pour l'art, par exemple, et trucs comme ça. Et moi, je pense que c'est un mauvais diagnostic, parce que, alors effectivement, moi, je fais le diagnostic qu'il y a une façon aujourd'hui de faire croire que ce sont des œuvres politiques, alors qu'elles ne sont pas des œuvres politiques, c'est juste qu'elles correspondent à des. Elles cochent des cases, qui sont souvent les cases du progressisme, en fait. Et là, effectivement, je crois que c'est un assèchement, que je veux dire, on est à côté de la littérature, que puisque c'est une œuvre qui est conçue pour répondre à l'époque, qui colle trop à l'époque, pas du tout une œuvre barbare pour le coup, qui vient rien saccager, qui vient au contraire s'y inscrire et être reconnue, voilà. Mais ça, c'est pas le problème de la politisation. C'est à mon sens, c'est le contraire, c'est un défaut de politisation. En fait, c'est quand la politique est déjà plus là. C'est quand la politique, elle a été instrumentalisée, elle a été vidée de sa substance réelle et qu'elle est devenue une espèce de vitrine des luttes. Et donc, pour répondre à ça, c'est pas on cesse de faire des œuvres politiques, c'est on fait des vraies œuvres politiques. Vraiment. Donc pas en faisant le truc de « il faut répondre à... » Voilà, voilà, une espèce de... Comment ? Cahier des charges. Quoi. Parce que ça, en fait, c'est aussi une façon d'écrire en étant de bons élèves, quoi. D'écrire en étant respectable, quoi. Travailler sur commande. Voilà. Donc la question, le souci que j'ai, c'est comment on fait une œuvre, comment cette articulation du politique et de la littérature, elle peut vraiment avoir lieu et vraiment donner lieu à une espèce de troisième type, qui n'est pas juste en fait de la politique plaquée sur la littérature ou de la littérature plaquée sur une espèce d'analyse politique et qui serait en fait juste une espèce de supplément d'âme quoi, qu'on rajouterait à la politique. Comment on fait pour que ces deux régimes de discours produisent une troisième forme quoi. C'est parce que ce serait ça une œuvre. C'est ça une œuvre. C'est dans ce truc-là. Voilà. Mais voilà. Mais je veux dire une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit en fait. Mais au moins je donne à voir ma préoccupation. Quoi. Ah, ça va, ça va. C'est ça que je pensais que c'était... Nous avons pris cette présence, là. Donc, on sort une question aussi. Ouais, on peut encore faire une question. Mais bonjour. Je pose ma question. Voilà, ma question est un peu osée, mais je vais quand même la poser. C'est par rapport à tout ce nouveau vocabulaire qui existe, qui prétend pouvoir comme genré, est-ce que ce vocabulaire n'est pas un vocabulaire qui me demandait si c'était pas finalement un vocabulaire qui voudrait de repousser d'une certaine manière ce que vise ce vocabulaire. Ah ben finalement c'était ce vocabulaire alimente. Si, alors la question c'est est-ce que les mots antiracisme et antifascisme c'est sont pas une manière de reproduire le de se positionner en réaction en fait. Et donc d'être dans le en fait sûrement mais quelle serait votre alternative? Non, la question n'est pas vraiment de savoir s'il y a une alternative particulière par rapport à ça. La question, ce serait de se demander la raison de ce nouveau vocabulaire qui, d'une certaine manière, augmente et, d'une certaine manière, je pense, en tout cas selon moi, stigmatise encore plus certaines réalités. C'est un peu comme ça que je vois la... Parce que je vous ai juste entendu prononcer deux mots, antiracisme et antifascisme. Mm-hmm. C'est pour ça que je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous parlez de ces mots-là en particulier qui ne sont pas du tout nouveaux. Mm-hmm. Donc, quand vous dites nouveau, vous parlez de quoi ? Ils sont nouveaux dans le sens où ils sont fortement utilisés dans le... Comment dire ils sont propagés de manière très, très, très forte, surtout ces 10 dernières années ou 15 dernières années. Moi, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas aussi mais genré et... Il y a d'autres choses aussi, hein. On peut raciser, ouais, ce genre de vocabulaire là qui je parle pas de barbare là, j'aurais aussi une autre d'une certaine manière peut-être qu'aussi ça a cette intention là aussi, mais peut-être pas directement parce que c'est pas quelque chose qu'on va utiliser qui est mis en avant d'une certaine manière et qui représente la défense d'une certaine chose à tout prix et de toutes les manières possibles. Voilà, après... Alors, en tout cas, vous pourriez peut-être plutôt vous dire que s'ils rejaillissent, c'est d'une part parce que le fascisme et le racisme n'ont jamais été aussi forts et que les résistances n'ont aussi jamais été aussi fortes. En fait, il y a ce double phénomène qui est qu'effectivement, en tout cas, c'est le cas en France. Ici, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment la situation en France. Mais moi, ce que je sais, c'est que depuis une quinzaine, 16, 17 ans, l'antiracisme politique a fait d'énormes progrès en France. On a fait des pas de géant. Et aujourd'hui, c'est impossible pour quelqu'un de gauche et même pour nos adversaires politiques ou les grands médias de faire l'impasse sur les nouvelles formes de l'antiracisme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'antiracisme politique a tué l'ancienne forme. Et c'est l'ancienne forme qui est morte. L'antiracisme moral, celui des années 70, celui des années 80. Et celui qui est nouveau, qui est l'antiracisme politique, aujourd'hui, c'est juste qu'il est en progression et qu'il a, d'une certaine manière, gagné la partie. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et pour moi, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. Mais en miroir de cet antiracisme, il y a surtout le racisme. en fait. Donc l'un n'existe pas sans l'autre. S'il y a l'antiracisme et cette profusion de mots autour de cette lutte-là, c'est qu'il y a, on vit un moment de grand racisme, voilà, et de possible fascisme. Donc je ne sais pas comment on peut échapper à ce vocabulaire dans le contexte dans lequel on vit. Le réel, c'est celui-ci, c'est celui du possible fascisme, d'un fascisme qui vient, et c'est celui d'un racisme qui est. Voilà. Et moi, je suis née, pour le dire vite fait, chez les Beaufs, dans des régions ouvrières et paysannes. Et j'ai passé, après ma vie adulte, avec les barbares dans le sud, dans des luttes communes. Et il y a une question qui me préoccupe depuis très longtemps, c'est la manière dont, chez les Beaufs, la culture s'est dévitalisée. Ça ne produit plus, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de musique. Et c'est aussi la question du consentement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui m'obsède. C'est que s'il y a eu résistance de l'autre côté, pour le dire comme ça, chez nous il y a eu consentement. Nous avons consenti à perdre nos langues populaires. Ma grand-mère, elle était wallonne, elle ne parlait pas français. Pourtant, on a aussi tapé sur ses doigts. On lui a mis des bonnets d'âne. Donc il y a eu vraiment un stigmate, mais il y a eu un consentement et un refus de raconter aussi cela. Je voulais vous entendre par rapport à ça. En fait, c'est précisément pour ça. C'est précisément pour ça que le beauf, il y a le mot barbare et le mot beauf, que de mon point de vue, c'est pire d'être un beauf. C'est mon point de vue. Et il a perdu sa culture. Oui. Le mot beauf est d'une violence et d'un mépris absolu. Mais il n'y a pas de charisme dans le mot. Il n'y a personne. Bah oui, je veux dire, barbare, si, mais ce qu'on a pu constater, c'est que depuis que Lusa a sorti son livre, on voit bien que des blancs disent, bah, nous aussi on est des barbares. Ouais. Et c'est des beaufs qui le disent. Voilà, donc nous aussi on est des barbares, mais parce que c'est plus sexy d'être un barbare que d'être un beauf. Mais parce qu'on sait ce qu'il y a dans beauf. Beauf, c'est vraiment pas de culture, pas de langue, inculte, bigard. Enfin, en France, Bigard. Je ne sais pas si tout le monde connaît Bigard ici. Enfin, c'est vraiment... Oui, pas de religion, pas de foi. Le beauf, c'est celui qui a vraiment tout perdu. Et c'est celui qu'on pointe du doigt comme étant raciste. Parce que les élites françaises, elles se défaussent de leur propre racisme sur les beaufs. C'est eux qui sont racistes, c'est pas les élites. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la sous-traitance. Oui, il y a quelque chose de la sous-traitance sur leur dos, en fait. Et c'est terrible. Et nous, on doit leur rappeler que c'est pas des barbares. C'est absolument terrible. C'est absolument terrible parce que, d'une certaine manière, et c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'ils en veulent à nous d'abord. C'est à nous qu'ils en veulent. Et ça crée une situation où on va avoir du mal à se rencontrer, en fait. Voilà. Mais il faut dénouer cette question, il faut la dénouer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas se cacher la vérité. Les beaufs sont structurellement racistes. Et ils ont intérêt à l'être, ils ont intérêt à le rester. Mais mon point de vue, c'est qu'ils le sont largement moins que ceux d'en haut. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui se joue là, mais parce que le racisme, il est aussi très sophistiqué. Hein, le racisme d'en haut est extrêmement sophistiqué, vous voyez. Et donc, en fait, la question du consentement, elle est hyper importante. Il se trouve que je fais un travail là-dessus. La question du consentement des beaufs, des blancs, à cette aliénation culturelle. Mais parce qu'à la place, on leur a donné la blanchité. Ah ben, alors ça, c'est une catégorie... Moi, je peux dire qu'on a des beaufs chez nous. C'est pas... Si le beauf, c'est l'image qu'on s'en fait. Mais je ne m'attache pas à la question de l'image du beauf. Je dis que nous sommes des barbares parce que nous sommes... Une certaine définition. Mais bon, on est toujours le beauf de quelqu'un. Oui, mais je ne veux pas utiliser le mot beauf dans un sens commun. Je lui donne une... Pour moi, les beaufs, c'est les prolétaires blancs. Monsieur sera plus l'arabe de quelqu'un. Je ne suis pas en train de... Pourquoi vous seriez un beauf racisé? Non, je connais aussi des beaufs arabes, des beaufs musulmans, berbères. Le monsieur dit que... Comment on l'entend pas? Le monsieur dit qu'il y a des beaufs arabes, des barbares beaufs ou racisés. Et donc, on lui demande d'expliquer ce qu'il entend par beauf racisé. Ce que j'ai compris, moi, de beauf, c'est le beauf de Kabul. Oui, comme le définissent. C'est le prolétaire. Le beauf de Kabul, c'est aussi un prolétaire, mais qui est militariste, qui est raciste, qui est... Donc, c'est ça, le beauf. D'accord. Et chez nous, c'est qui ? Il y a aussi des beaufs, qui eux aussi, donc je ne dis pas qu'ils soient racistes, parce qu'ils subissent le racisme, mais bon, bah, qui va surveiller sa sœur, qui va surveiller sa femme, qui va surveiller... C'est aussi donc, une forme de beaufitude. Alors, moi, j'appelle ça l'ensauvagement. L'ensauvagement, ça, j'appelle ça la corruption interne, mais pas simplement le sexisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Ce que vous rattachez à la beaufitude, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, j'appelle ça l'ensauvagement, c'est-à-dire effectivement le processus de blanchiment. Et là, pour le coup, le processus de blanchiment à la beaufitude, pourquoi pas. Mais ça reste quelque chose qui nous est venu à cause de l'intégration. Et le livre de Louisa Yousfi. C'est juste parce que je me suis permis de l'interrompre d'une manière intempestive sans m'inscrire. Alors je voulais juste l'expliquer dans le côté provo pour elle, tout simplement. Mais c'était dans l'idée qu'elle précise encore mieux. C'était dans ce truc-là. Et avec tous mes respects. Okay. Et là. Merci beaucoup pour ce livre. Plus fort. Vous en parlez super fort. Le micro n'enfile pas ta voix. En fait. Le micro ne fait rien. Le micro fait rien. Ah, d'accord. Ok. Donc, je disais, merci beaucoup pour ce livre et merci beaucoup pour le titre. Je trouve que c'est important. Politiquement, socialement, de savoir qu'il y a un livre avec le titre Rester barbare, qu'est-ce que ça évoque pour chacun. Et moi, j'ai vraiment envie de poser la question sur la question de la rupture. Tu as parlé de la rupture et tu as donné des exemples. Et pendant que j'ai écouté tout ce qui s'est passé, il y a énormément de choses qui sont passées dans ma tête, aussi bien en termes de. D'écrit sociologique aussi d'expérience militante et ça fait un gros bazar très complexe qui va se résumer ici juste par la question est-ce que pour rester barbare on est obligé d'être en rupture et en précisant parce que chez les racisés il y a différentes manières de comprendre c'est quoi être barbare et que du coup ça semble parfois créer des expressions qui sont incompatibles. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit être en rupture avec les féministes ? Est-ce qu'on doit être en rupture avec... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui sont justement déracisés, mais qui ont peut-être pris ou compris d'une autre manière ce que c'était pour eux, elles, être barbares, ou rester barbares, ou revenir à une forme de barbarité. Je ne suis pas sûre que c'était très clair. On doit faire la rupture avec la blanchité et ses déclinaisons. Donc la blanchité, c'est avec la blanchité qu'on doit rompre, c'est avec l'intégration dans la civilisation blanche, dans la modernité occidentale. Ça, c'est le projet porté par le mouvement décolonial. Donc il faut bien, effectivement, rompre. Ça, c'est sûr. Rompre idéologiquement. Ça ne veut pas dire qu'on sort dans la rue, on n'est pas en rupture. Hein. On va consommer, on n'est pas en rupture. On vit ici, on n'est pas en rupture. Politiquement. Donc on parle bien ici d'une rupture politique. Avec la blanchité. Mais est-ce que tout le féminisme, est-ce que... Tout le féminisme est contenu dans la blanchité. Il y a une place pour créer un féminisme décolonial, par exemple. Il y a de la place pour ça. Il se trouve que j'en fais pas partie. Je pense pouvoir avoir résolu la question en me disant décolonial. Et il se trouve que la démarche décoloniale, elle comprend la question du genre. Elle comprend très bien la question du genre féminin, de la question du sexisme, mais elle l'articule avec la question des masculinités subalternes. Elle comprend la question d'un certain nombre de questions qui sont posées par les progressistes. Simplement, les solutions qui sont données par les progressistes, nous, on les met de côté et on envisage nos propres formes à nous. Voilà. Et donc, il y a bien, de mon point de vue, je réponds, donc oui, il y a rupture, mais non, il n'y a pas rupture avec la question du genre, la question de traiter la question du genre. Il n'y a pas de rupture sur comment traiter la question des sexualités. Il n'y a pas de rupture sur comment traiter la question du capitalisme. Là-dessus, on va au contraire. Simplement, on le fera à partir de notre rupture. C'est ça le truc. Et alors, vous avez raison, dans la vie de vous, il y a plein de d'indigènes qui sont dans des formes de féministes qui sont encore, à mon avis, piégées ou en tout cas dans le filet de la blanchité. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est-à-dire, c'est à elles de savoir où elles veulent se situer. Elles sont pas obligées d'y rester, mais elles peuvent y rester, si ça leur convient. Et si elles pensent résoudre tous leurs problèmes à l'intérieur de ce féminisme-là, c'est pas mon problème. Moi, non, je suis pas là. Excuse-moi, mais par exemple, le micro. Par exemple, tu peux avoir des personnes comme Rachida Aziz, tu vois, qui sont aussi dans une démarche de revenir à une barbarité, mais qui ne vont pas forcément s'aligner sur les attributs que les indigènes, enfin le parti des indigènes, ou que les décoloniaux, vont considérer comme étant les attributs qui attestent de la rupture avec la blanchité. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a plein d'indigènes qui considèrent qu'ils sont en rupture, mais il y a tellement... Et c'est pour ça que je parlais de tout ce qui t'est passé dans ma tête, c'est qu'il y a pas mal de moments où je peux vous écouter et ne pas me sentir en rupture avec ce que vous dites, et il y a d'autres moments où je me dis, j'ai fait d'autres choix, où j'ai d'autres options, où j'ai une autre lecture, où j'ai une autre position par rapport à ça, tout en ayant l'impression que je suis en rupture avec la blanchité, mais où aussi, ça, je pense que ça montre aussi à quel point c'est extrêmement complexe de déconstruire c'est quoi la blanchité. Je pense que aussi le déterminant, ce qui va déterminer nos choix, parce qu'en fait, ce n'est pas des choix qu'on détermine comme ça, même ne serait-ce que par justesse idéologique ou par vérité, c'est pas ça qui va déterminer qu'on se dise là, c'est pas bon, là, c'est bon. Notre souci, c'est le souci de la masse. C'est-à-dire, à qui on parle là? Est-ce qu'on parle à une petite élite intellectuelle, universitaire, entre parce que c'est le cas par rapport pour le féminisme, par exemple, ou le progressisme. Chez les nôtres, c'est ça qu'il faut interroger. C'est qu'on est une minorité quand on dit ça. On est une toute petite minorité. Est-ce qu'on parle, on se parle là, entre nous, ou est-ce qu'on a en tête la masse? Les indigènes dans leur majorité, dans leur globalité. Ça, c'est une interrogation proprement politique, c'est une interrogation de militants. Et pas, c'est pas une interrogation de chercheurs, par exemple. C'est pour ça aussi. Et c'est ça qui va déterminer aussi les choix stratégiques qu'on va faire. C'est des questions stratégiques, plus que des questions analytiques, en fait. Oui, j'entends. J'allais donner une autre réponse, mais déjà, celle-ci est très juste. Celle-ci est très juste, mais j'allais dire, bon, vous donniez l'exemple d'une femme, Rachida Aziz, ou le vôtre, mais moi, je vous renvoie à votre responsabilité, c'est votre problème. Non, mais c'est votre problème. Je dis, c'est votre problème au sens où, si vous pensez que vous êtes en rupture et que parfois, a priori, vous sentez en rupture, c'est vous qui savez si vous êtes en rupture ou pas. Par ailleurs, vous dites que des choix que vous faites qui seront peut-être en contradiction avec ce que nous sommes en train de dire, ne remettent pas en question cette rupture-là. C'est aussi votre problème. Je veux dire, c'est à vous de résoudre ça, c'est pas à moi. Moi, je vous dis juste que je tiens et que nous avons tenu à rompre avec le féminisme blanc, avec les LGBT, avec le mouvement ouvrier blanc, avec etc., etc. On a rompu avec tout ce qui venait du progressisme blanc, parce que nous avons considéré ou nous avons compris que ces luttes-là ne servaient que les blancs, les blanches, les homosexuels blancs, les ouvriers blancs, etc., etc. On a compris ça. Et que toutes ces questions, on allait les traiter à partir de notre paradigme à nous. Donc en rupture déjà avec la blanchité. Et ça, ça nous a permis de même d'entrevoir d'autres formes de libération. Et par exemple, on ne peut pas penser la question des masculinités subalternes si on n'est pas en rupture radicale avec la blanchité. C'est impossible. Puisque partout en Europe, dans tout l'Occident, c'est les femmes qui sont opprimées. Il n'y a pas un autre discours. C'est les femmes, elles sont opprimées par le patriarcat. Il n'y a rien d'autre. Or, nous, on est aujourd'hui, on sait que ça n'est que cette réalité-là, elle est simpliste, ultra simpliste. Et si on n'avait pas fait cette rupture, impossible de penser à la question des masculinités, impossible de dire que les hommes indigènes sont en dessous de tout le monde et que les femmes blanches, elles sont au-dessus de beaucoup de monde. Elles sont au-dessus des indigènes en général et même d'autres hommes. Ça, c'est inimaginable. Quand on n'a pas cette grille d'analyse, on ne sait pas que les femmes blanches sont au-dessus des hommes blancs, des hommes indigènes. On ne le sait pas. A priori, parce que c'est contre-intuitif. Les femmes sont des victimes, point. Ça, ils l'ont décidé. Ben, c'est pas aussi simple. Donc je dis. Non, allez-y. Non, non. C'est tant tu rôdes là. Je te rejoins quand tu dis que ce n'est pas aussi simple. Je ne considère pas que j'ai personnellement un problème à résoudre ou que je faisais plus état de la masse justement et que la masse peut ne pas résoudre ce problème à ta manière et que je me demandais pour Louisa et pour ton parti, pour votre parti, est-ce que vous considérez qu'il faut absolument être en rupture? Et moi, ce que j'entends, et je le respecte, c'est que tu dis que oui. Moi, ma résolution, ce n'est pas cette rupture-là, parce que tout simplement, je pense que la notion de qu'est-ce que la blanchité n'est pas simple non plus, et que la notion de voir qu'est-ce que c'est être barbare n'est pas simple non plus, et que je pense qu'il y a des articulations différentes que celle-là. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est intéressant de savoir qu'en tout cas, ici, le positionnement, c'est la rupture radicale, même avec d'autres indigènes qui verraient cette rester barbare autrement. Quoi. Bah oui, c'est bon. Alors, juste pour être précise, hein, quand on dit rupture avec la blanchité, c'est pas rupture avec les blancs. Non. Voilà. C'est voilà. Et indigène, ça veut dire qu'on peut continuer à lutter avec les blancs, avec les blanches, etc. etc. Donc, blanchité, c'est une chose, les blancs, c'est autre chose. Bah, pour moi, c'est pas complexe, mais je comprends que ça puisse l'être. Moi, c'est pas complexe. Pour moi, c'est pas complexe, mais c'est pas très complexe pour moi, mais je peux entendre que ce soit complexe. Moi, j'ai pas de. Mais après, excusez-moi, le problème, c'est pour entrer en dialogue. Et ça mérite une séance de 70 euros de CDF. On passe par moi, c'est 70 euros de l'heure pour ce genre de personnage. Je te jure.